Petit, ça va? Allô, mon vieux. Ouais, on dit quoi? Super, super. Ouais, j'ai dit, c'est où une listen party des albums de Didi B? Lou, quoi, papa? Listen party, oh, petit. Bon, bon, c'est pas où ça y est. Peut-être vous voir là-bas. Moi, les comportements, moi, diamant, c'est pas dedans. Ah! Ah, c'est pas les grosses choses. Petit, tu as grossi, grossi quoi? Je peux rien créer, mon vieux. Si tu permets, tu vas prendre 20 ans. Ouh! Bonsoir les gars. Bonsoir. C'est comment? Ça va bien? Ouais, ça va bien. J'ai dit, je vous ai entendu de loin parler de l'album de Didi B. C'est où on fait listen party là? On est là-bas. Ah! Mais l'album là, apparemment, ce sera dans les reins. Et Céline Dion dessus, on sait pas. Ah! Mais Joe, vous ne buvez plus les boilets. C'est les Johnny maintenant. C'est gamme de Dieu, c'est mon niveau. Pardon, moi, il faut me donner mon bonnet là-bas. Merci. Yeah, et là, on se met bien. À tout à l'heure. Depuis là même, on attend. C'est quand on fait les lyrics parties, les idées, on comprend rien. Depuis là même, j'ai assis même là. Qu'est-ce qu'il y a même? J'ai forcé d'écouter l'album. Il y a quoi même? Depuis là, si l'on m'a pris balle même, j'ai dit quoi à maman maintenant? Hey, toi, on va appeler comme ça. Hein. Un gars, depuis on est là, on attend pour quitter son album, on les voit pas. Mais moi, c'est ce que je cherche, c'est un hommage, non. Pardon. Mon gars, voilà. Allez, quoi. Je vais rester. J'aime pas les gens, peut-être. Tu vois, Prince, tu as même Prince. Aïe. Là où même, voilà. Mais c'est lui-même, on est en train de chercher comme ça. Il dit, il y a une liste partie de son album. Mais, il paraît qu'il me dise que c'est un mariage. C'est lui qui chante. Lui aussi, il exagère. Non, viens, faut pas partir. Oh, non, oh, non, donne-moi bon quand même. Donne-moi bon, moi. Donne-moi bon, moi. Le vieux, donne-moi bon, moi. Eh, les gars, Et Joe, Ives. C'est pas vous les DJ là. Ives, Vogis, DJ. C'est vous qui devez mixer, non? Ça, c'est branché comme ça. Aïe! Ça, ça va. J'étais vieux, je suis content en même temps. Ouais, Didi. Ah! Il a perdu ou bien? C'est Tony, c'est toi, non? Bon, papa. Aïe! Ça moi, tu pas comme ça. Et à moi-même, depuis le cherche, j'ai dit du geste. Oui. Il est dedans là-bas. Bon, les gars, finalement, moi, je me suis mis à chercher partout. Didi, là, il ne sait pas, hein. C'est comment? Non, c'est pas. Ah! Mais, Joe. Le fait, moi, je connais un esprit, c'est que c'est une position qui a tout. Hein? C'est pas possible, c'est faux, c'est pas à moi. Non, il ne va pas faire ça ici, quoi. La famille, on va faire les choses différemment, on va faire les choses en plus grand. Venez tous pour écouter mon album ce 27 mai au Palais de la Culture. Ça sera un moment historique. Je vous invite à contempler le trône. C'est moi qui régale. Oh calamar, en courrier. La conspiration en marche. Mojaveli.com.